Chapitre 2e. Cet article produisit une grande sensation, et l'opinion publique fut bien près de se ranger à l'opinion du journaliste. On se passionnait. Les journaux, serviteurs attentifs de la curiosité générale, publiaient chaque matin des informations nouvelles. L'une d'elles fit apparaître sur la scène de l'instruction un des principaux personnages qui jusque-là avait gardé le silence. Un entrefilet affirmait que notre cher Orliac, mis en présence de l'accusé Bidard, l'avait formellement reconnu. Orliac crut devoir répondre par la lettre suivante. « Monsieur et cher confrère, permettez-moi de rectifier une assertion erronée que vous avez accueillie, sans malveillance d'ailleurs, dans votre estimable journal. Certes, rien ne peut m'être plus pénible que d'intervenir dans les polémiques qui s'élèvent autour du drame douloureux de la rue Blanche. Mais s'il est vrai que je me sois juré d'employer toute mon énergie, toute ma force de volonté à poursuivre, à découvrir, à livrer à la justice l'assassin de Madame Orliac, car eussé j'étais frappé seul que je pardonnerais. D'autre part, je ne redouterais rien tant que de me laisser égarer par le ressentiment et de peser, plus qu'il ne convient, sur les décisions de la magistrature. J'étais mis en effet en présence de l'homme qui a été arrêté. Voici exactement ce qui s'est passé, et monsieur le juge d'instruction me pardonnera de répéter publiquement ce que je lui ai dit à lui-même. Si parfois le secret est nécessaire, ici, je le juge parfaitement inutile. J'ai dit textuellement, « L'homme que vous me représentez me paraît avoir la taille de l'assassin. Cependant, même dans sa carrure, je ne retrouve pas les signes de force qui m'avaient frappé. Celui-ci est maigre. L'assassin m'a paru replet et vigoureux. Enfin, j'ai noté particulièrement des moustaches longues et épaisses que je ne retrouve pas sur le visage de l'accusé qui est absolument glabre. » Alors l'accusé a été revêtu de la longue redingote vert olive, coiffé du chapeau mou, on lui a posé une paire de fausses moustaches. Cette transformation s'effectuait dans la pièce voisine. L'homme a reparu, et du premier mouvement, je me suis crié « C'est lui le misérable !» Mais permettez-moi de parler ici en homme de théâtre, en homme du métier. Dans toute pièce, où on a besoin de faire sortir de scène l'acteur qui, par exemple, joue le traître, et où on veut laisser au public l'illusion qu'il n'a pas quitté la place, on y substitue adroitement un figurant portant les mêmes vêtements et les signes physiques que j'appellerais excessifs. L'illusion est obtenue pour un temps très court, mais qui suffit à l'effet recherché. Eh bien, après avoir poussé l'exclamation que j'ai dite, j'ai fait observer au juge que l'apparition subite de n'importe qui, de moi-même, vêtu de ses habits, décoré de ses moustaches caractéristiques, donnerait à qui a vu l'assassin, la nuit, dans le trouble d'une scène tragique, l'illusion d'une identité parfaite. Je n'ai non pas formellement reconnu cet homme pour l'assassin. Sur mon âme et conscience, je ne puis rien affirmer et n'affirme rien. Pardonnez-moi cette longue lettre, mais a-t-on besoin de s'excuser quand on ne cherche que la vérité? Veuillez agréer, etc. Frédéric Orliac, qui aurait eu tant de raisons d'obéir à la passion, fut jugé par tous comme faisant preuve d'une héroïque impartialité. L'impression laissée par l'intervieweur de Madame Bidard s'effaça rapidement, surtout quand on apprit que l'armurier qui avait vendu les revolvers avait affirmé sans hésitation reconnaître l'accusé pour son acheteur mystérieux. Le doute était-il permis d'ailleurs quand Bidard se refusait formellement à faire connaître l'emploi de son temps pendant la nuit du 19 au 20 janvier? Tout ce que l'instruction avait pu constater, et cela d'après ses propres aveux confirmés par sa femme et par la belle Mexicaine, c'est qu'il était sorti de chez lui à 11 h du soir et rentré à 5 h du matin. Quant à la possession des titres qu'il avait remis à son propriétaire, l'étrange explication qu'il en donnait, et que nous allons rapporter dans le compte-rendu du procès qui s'en suivit, ne pouvait paraître qu'invraisemblable. Marcel Bidard fut renvoyé en cour d'assises. Les débats s'ouvrirent le 27 juin, c'est-à-dire plus de 5 mois après la perpétration du crime. Aucun fait nouveau n'avait été révélé au public. Une légende s'était formée autour de l'accusé, qu'on se plaisait à représenter comme une sorte de Balthazar Claës, sacrifiant tout à sa passion scientifique, et qui, vraisemblablement, n'avait commis ce crime atroce que pour se procurer les ressources nécessaires à quelques coûteuses expériences. On supposait que l'avocat plaiderait la folie, l'irresponsabilité. Un romancier que les lauriers d'Edgar Poe empêchent de dormir, n'était-il pas allé jusqu'à bâtir un drame de toutes pièces, où l'hypnotisme et la suggestion jouaient le principal rôle? Bidard, dans cette hypothèse, n'aurait été que l'instrument inconscient de quelque savant aussi magnétique que peu délicat. C'était ingénieux, rien de plus. À l'époque où vint le procès, Il n'y avait ni première à sensation, ni renversement prochain du ministère, ni nouveau crime à succès, si bien que l'affaire Bidard reprit le premier rang parmi les attractions du jour. On s'arracha littéralement les billets d'audience. Romanciers, artistes, comédiens, académiciens, jolies femmes de tous les mondes, de grandes et de petites marques, envahirent le prétoire et se glissèrent jusque derrière le fauteuil du président. Quand l'accusé parut, il eut un long frémissement dans la foule. Marcel Bidard était un homme de taille très élevée, mais sa redingote serrée à ses épaules et à son torse accusait une maigreur véritablement exceptionnelle, augmentée sans doute par les angoisses d'une longue prévention. Ce grand corps semblait brisé à plusieurs morceaux. On eût dit qu'il ne se tenait debout que par un miracle d'équilibre. La tête ronde, mais très haute, était surmontée d'un crâne chauve, encerclé d'une couronne étroite de cheveux d'un blond grisonnant. Elle rappelait absolument les figures astronomiques qui représentent Saturne et son anneau. Il y avait presque égalité entre le dessus et le dessous de la couronne. Un œuf coupé en deux par un ruban. Le visage était blanc, sans un poil follet, le nez large, les lèvres épaisses, le menton proéminent, les mâchoires larges. Les yeux, grands et bleus, étaient très clairs. La physionomie de l'accusé portait l'empreinte d'une profonde tristesse. Il répondait aux questions du président d'une voix basse qu'il cherchait à assurer, mais qui parfois vibrait de larmes contenues. Du reste, M. de Sampère, qui présidait, l'interrogeait avec son aménité et sa patience ordinaire. M. le procureur général occupait le siège du ministère public. Il avait jugé qu'il devait à M. Français, le célèbre avocat, de se mesurer avec lui dans cette lutte judiciaire. Passant sur les formalités préliminaires, sur l'appel des témoins qui fut l'occasion d'une manifestation universellement sympathique en faveur d'Orliac, nous arriverons immédiatement à l'interrogatoire de l'accusé auquel nous conserverons sa forme judiciaire. Le président. Vous êtes accusé de vous être introduit pendant la nuit du 19 au 20 janvier dernier dans la maison habitée par M. et Mme Orliac à l'aide de fausses clés, d'avoir frappé Mme Orliac d'un coup de marteau qui a déterminé une mort immédiate, puis d'avoir tiré à bout portant un coup de revolver sur M. Orliac, enfin de vous être approprié quelques titres d'obligation qui se trouvaient sur le bureau de la victime. Qu'avez-vous à répondre ? Bidard, d'une voix mal assurée. « J'ai à répondre, Monsieur le Président, qu'il y a là une épouvantable erreur et que je suis innocent. » Demande. Procédons par le détail. Vous occupiez, il y a 10 ans, une chaire scientifique au collège de Quimper. Jusque-là, il semble que votre conduite n'ait donné lieu à aucun reproche. Vous êtes marié, la tante de votre femme est morte, et aussitôt que vous avez été en possession du petit héritage qui vous était échu, vous êtes laissé emporter par l'ambition. Vous avez donné votre démission et vous êtes venu à Paris. À combien se montait cet héritage ? Réponse. À 14 000 francs, dont la moitié revenait au frère de ma femme. D'ailleurs, il nous a rendu généreusement sa part quelques années après. Demande. Vous avez donc disposé de 14 000 francs. Au lieu d'employer cette somme à vous créer une situation, vous avez vécu au jour le jour sur le capital qui s'est trouvé d'autant plus rapidement épuisé que vous le gaspillez en achats inutiles, produits chimiques, minéraux de toute provenance, et aussi en expériences folles et coûteuses. Peu à peu la misère est venue, et depuis plus de 2 ans vous seriez littéralement mort de faim sans le courage de votre femme qui s'est résignée aux plus humbles travaux pour vous procurer le nécessaire. Tout cela n'est-il pas exact ? Ici Bidard se redressa, et ce fut d'un accent plus ferme qu'il répondit. Je me dois à moi-même, je dois à ma courageuse compagne de protester contre certaines de vos paroles. Je n'ai pas fait d'achat inutile. Je n'ai pas gaspillé d'argent en expériences folles. Je cherche la solution d'un des plus grands problèmes scientifiques et j'y ai consacré toutes mes ressources matérielles et morales. Quant à ma femme, elle s'est associée à mes travaux et à mes espérances. Son dévouement est aussi honorable pour elle que pour moi. Prononcées avec une dignité de bon aloi, ces paroles firent une favorable impression. Passons, reprit le président. Un point est établi, c'est que vous êtes actuellement sans ressources. Attendez. L'accusation affirme que c'est pour vous procurer de l'argent que vous avez commis le crime qui vous est imputé. En effet, alors que la veille du 20 janvier, vous ne possédiez rien et étiez débiteur envers votre propriétaire d'une somme relativement forte, le lendemain, vous lui remettez en dépôt pour le faire patienter des titres au porteur, des obligations de la ville de Lille, valant en tout 500 francs environ. Or, ces titres sont justement ceux qui ont été volés par l'assassin M. Orliac. Comment expliquez-vous cette circonstance ? Voici l'exacte vérité. Il était 5 heures du matin. Je passais sur la place de la Trinité, réfléchissant à certains calculs d'une importance capitale pour ma théorie. Devant la balustrade du square, mon pied heurta quelque chose. Je me baissai. C'était une large enveloppe contenant quelques papiers. Justement, j'avais besoin de noter une formule intéressante. Je m'approchai d'un bec de gaz, j'écrivis sur l'enveloppe les indications utiles et je mis le tout dans ma poche. D'après votre système, qui ne peut se soutenir un instant, vous avez ramassé cette enveloppe par distraction, vous avez négligé de l'ouvrir, encore par distraction, vous l'avez rapportée chez vous, toujours par distraction, et c'est sans doute aussi par distraction que vous avez remis ces titres à votre propriétaire. Voici comment cela s'est passé. Ces papiers étaient restés dans ma poche. M. Daverac m'arrêta au passage pour réclamer assez durement ce qui lui était dû. Je ne l'en blâme pas, il était dans son droit. Je lui répondis que je n'avais rien qu'il lui fallait attendre, et je voulus passer. Il me bouscula, ma redingote s'ouvrit, et l'enveloppe tomba. M. Daverac reconnut des titres au premier coup d'œil. Moi, je n'avais pas regardé. Il me proposa de lui laisser ses papiers en nantissement. J'y consentis facilement, heureux de me débarrasser de ses obsessions, surtout au moment où j'avais bien d'autres choses en tête. J'ignorais absolument la valeur de ces papiers. J'ignorais même qu'ils fussent en ma possession. Voilà la vérité exacte. Légère rumeur dans l'auditoire. En vérité, vous vous faites trop naïf. Vos affirmations se réfutent d'elles-mêmes. Selon vous, ces titres, ramassés par hasard, seraient restés près d'un mois dans votre poche sans que vous eussiez songé à les regarder. Mais s'ils y étaient restés pendant ce temps, votre femme les aurait trouvés. Ma femme ne touche jamais ni à mes poches, ni à mes papiers. Hilarité. Soit. Venons à un point important. Vous vous trouviez, dites-vous, à 5 heures du matin sur la place de la Trinité. D'où veniez-vous à cette heure matinale? Je travaillais 3 fois par semaine, pendant la nuit, chez un savant qui a bien voulu s'intéresser à mes théories et m'aider à leur démonstration. Je revenais de chez lui. Comment se nomme ce savant? Je ne puis le dire. Où demeure-t-il, du moins? Dire son adresse sera dire son nom, et je ne m'en reconnais pas le droit. Ici, l'auditoire, visiblement irrité, interrompit l'accusé par des exclamations d'incrédulité. Le président dut le rappeler au silence, en ajoutant les menaces ordinaires d'expulsion. « Je vous engage, dans votre intérêt, dit le président à l'accusé, à abandonner ce système absurde. Il est vrai que vous sortez souvent la nuit. Vous affirmez à votre femme que vous allez travailler chez ce savant. Fantastique. Elle a pu accepter cette explication de vos absences, mais devant la justice, il faut être précis et surtout véridique. Voulez-vous faire connaître à messieurs les jurés l'emploi de vos nuits? Je n'ai rien à ajouter. » Ici, maître français, se levant, dit « Monsieur le Président, j'ai usé de toute mon influence sur mon client pour obtenir ce renseignement. Monsieur Bidard est évidemment lié par une promesse que sa conscience lui défend d'enfreindre. Messieurs les jurés apprécieront. Accusé, votre silence sera interprété comme une preuve de culpabilité. Vous n'êtes point passé à 5 heures du matin sur le square de la Trinité. À minuit, vous vous introduisiez dans la maison d'Orliac avec une fausse clé. Non, monsieur le Président. Vous possédez chez vous un fourneau qui vous sert de forge. C'est vous-même, sans doute, qui avez fabriqué cette clé. Non, monsieur le Président. La nuit du crime, vous étiez vêtu d'une redingote vert olive. Aucun de vos voisins ne vous a jamais vêtu de cette façon. Il y a donc lieu de croire que pendant ces nuits mystérieuses, vous vous rendiez en quelque endroit où vous déguisiez pour n'être pas reconnu. Tout cela est absurde. L'accusation vous dira que, quelques jours auparavant, dans la soirée, vers 10 heures, vous étiez venu reconnaître la maison d'Orliac, que vous avez stationné auprès de la porte, sans doute pour prendre l'empreinte de la serrure. L'accusation se trompera, là comme ailleurs. Elle vous dira encore que vous avez pénétré dans la maison, sachant que Madame Orliac était seule, que vous l'avez frappée à la tête d'un coup de marteau. Où avez-vous trouvé ce marteau? L'accusé ne se laissa pas prendre au piège de cette brusque question. Je n'ai pas trouvé de marteau. Au moment où vous forciez le secrétaire de Madame Orliac, vous avez été surpris par l'arrivée inopinée de son mari. Vous êtes jeté sur lui, vous l'avez tiré à bout portant un coup de revolver, puis vous avez saisi sur son bureau l'enveloppe dans laquelle vous aviez reconnu des valeurs, et vous vous êtes enfui. Vous avez jeté le marteau dans la rue, vous êtes allé lancer dans la selle les vêtements qui vous couvraient, puis vous êtes rentré chez vous à 5 heures. Monsieur le Président veut-il me permettre une observation? Parlez. Je suis un esprit précis, mathématique. Or il y a dans les circonstances de ce meurtre un détail qui m'étonne. Il ne me touche pas puisque je ne suis pas l'assassin. Mais peut-être pourrait-il aider la justice à trouver la véritable piste. L'accent de Bidard était complètement changé. On eût dit qu'il s'agissait de faits qui lui fussent absolument indifférents, de la démonstration d'un théorème et rien de plus. L'assassin aurait, paraît-il, frappé Madame Orliac d'un coup de marteau. Selon toute apparence, il tenait ce marteau de la main droite. Ce marteau lui servait aussi à briser le petit meuble. Quand Orliac est arrivé, ou il l'avait encore en main, ou il l'avait jeté à terre. Il semble plutôt qu'il ne l'eût pas eu en main, sans quoi il s'en fût servi contre Orliac, tandis qu'il a fait usage d'un revolver. Donc, je le répète, le marteau était à terre. Nous savons qu'il n'appartenait pas à l'assassin et que par conséquent, il ne pouvait servir à indiquer sa trace. Alors pourquoi l'assassin l'a-t-il ramassé pour l'emporter et ensuite le jeter à quelques mètres de la maison? Retrouvé là, il était tout aussi compromettant que s'il l'eût laissé dans la maison. Enfin, pourquoi ne l'a-t-il pas jeté dans la Seine avec ses vêtements? Je ne comprends pas, dit le président, outant ce raisonnement. Quelle est votre conclusion? Encore une observation. Comment l'assassin s'est-il emparé de valeurs dont, je l'ai compris depuis, la négociation aurait été dangereuse, et ceci fait, comment les a-t-il jetées dans la rue? Vous oubliez que ce dernier point est démenti par l'instruction. Mais encore une fois, que prétendez-vous prouver? Moi, rien. Je dis seulement que tout cela est bien singulier. Le public, qui avait cru à une révélation intéressante, laissa échapper un murmure de désappointement. Je conclurai, moi, reprit le président. Vous entendrez le témoignage d'un commissionnaire qui me reconnaît formellement pour vous avoir vu rôder autour de la maison quelques jours avant le crime, celui de la femme de l'armurier qui vous a vendu le revolver, celui enfin, moins affirmatif, mais non moins concluant, d'une de vos victimes. Encore une fois, Bidard, je vous adjure de dire la vérité. Je dis la vérité, je suis innocent. Vous avez déclaré ici même que vous vous occupiez d'études transcendantes, pour lesquelles vous aviez requis le complaisant concours de l'invisible savant, que vous refusiez de nommer. Quel serait le sujet de ces études? Bidard regarda le président et parut hésiter un instant. Vos théories seraient-elles aussi fantastiques que votre collaborateur? L'accusé releva vivement la tête et répliqua d'une voix presque dure. Monsieur le président, chacun a en soi le respect sincère, profond de certaines choses. Pour moi, la science est tout. Vous me permettrez donc de ne pas donner, ici en risée, à un auditoire non initié à certains ordres de travaux, des théories dont le développement et la démonstration sont le but de toute ma vie. À cette réponse dédaigneuse, il y eut, dans toute la salle, un véritable tollé. Le président, partageant sans doute les susceptibilités de la foule, négligea de réprimer cette manifestation et attendit que le bruit se fût éteint de lui-même. Puis, « Accusé, reprit-il, vous semblez ne pas comprendre que vous venez de manquer de respect au tribunal et à messieurs les jurés. Je dois supposer que vos travaux n'ont pas plus de réalité que vos prétendues distractions. D'ailleurs, par un mot échappé à votre femme, nous savons que vous dites étudier la physiologie des minéraux, énonciation dont les termes contradictoires, la physiologie, si vous me permettez de vous le dire, ne pouvant s'appliquer qu'aux corps organiques et non à la matière inorganique, prouve de votre part une ignorance profonde et une volonté indubitable de mystification. Ah, vous trouvez cela, monsieur le président? Interrompit violemment Bidard, perdant son sang-froid. En ce cas, vous voyez que j'ai raison de me taire, et je me tairai. Soit. N'avez-vous aucune explication à ajouter à celle que vous avez fournie? Aucune, répondit Bidard d'un ton sec. Asseyez-vous. Cette dernière partie de l'interrogatoire avait produit, il faut le reconnaître, l'impression la plus défavorable à l'accusé. Il n'avait opposé aux arguments de l'accusation que des dénégations dénuées de la vraisemblance la plus élémentaire. Rien ne semblait pouvoir justifier ce refus presque brutal d'établir un alibi qui, évidemment, n'existait pas. On approuvait généralement le président d'avoir donné à l'accusé l'occasion de prouver, s'il en était capable, sa valeur scientifique. Car un exposé clair et précis de théories, si audacieuses fussent-elles, aurait évidemment provoqué en sa faveur un élan de sympathie ou tout au moins prouvé qu'on avait en face de soi un monomane, constatation qui est le dernier recours de la pitié. Loin de profiter de ces dispositions bienveillantes, Bidard avait ajouté, à son refus de s'expliquer, des commentaires insultants pour des gens qu'il valait bien, disait-on dans les groupes. Maître Français s'était abstenu de toute intervention. Les stagiaires avaient remarqué qu'il s'était tenu immobile à son banc, la tête dans ses deux mains, attitude qui, d'après eux, lui était familière lorsque la cause présentait des difficultés exceptionnelles. Le défilé des témoins commença et n'apporta au procès aucun élément nouveau. On entendit successivement l'employé qui avait ramassé le marteau, les domestiques, le propriétaire de la rue de Puebla qui chargea violemment son locataire, un homme auquel il ne comprenait rien. Il y eut une scène émouvante. Ce fut la reconnaissance de Bidard par le commissionnaire de la rue Blanche et par la femme de l'armurier. Bidard dut revêtir la fameuse redingote verte, coiffer le chapeau mou, adapté à sa lèvre supérieure de grosses moustaches postiches, ce qu'il fit avec une répugnance visible. À vrai dire, il réalisait si complètement ainsi le type d'un Robert Macaire qu'une fusée de rire éclata dans la salle. Lui haussa les épaules sans dire un mot. Les deux témoins furent très affirmatifs. C'était le costume, c'était la taille, c'était l'allure générale. Ils n'avaient pu examiner les traits, parce que le chapeau les leur cachait. Mais la main sur le billot, dit l'armurière, elle jurait que c'était l'homme. Interpellé par le président, Bidard répondit à peine. Il était très pâle, et il semblait qu'il fît les plus grands efforts pour dompter une colère prête à éclater. Vint le marinier qui avait ramassé les vêtements sur la berge. Quand il eut achevé sa déposition, maître français se leva. « Monsieur le président, dit-il, je vous prierai de demander aux témoins comment il se peut faire qu'il ait trouvé sur la berge de la Seine, dans la soirée du 19 janvier, des vêtements que, d'après le témoignage de M. Orliac, que vous entendrez tout à l'heure, l'assassin portait au moment du crime, c'est-à-dire plus tard, à minuit ou à 1 heure. » Le marinier était un gros homme trapu, d'une intelligence plus que médiocre. Il fallut lui répéter plusieurs fois la question pour qu'il arrivât à la comprendre. Enfin, oui ou non, était-ce bien dans la soirée du 19 qu'il avait trouvé le paquet en question ? Pour ça, dit-il, je peux en jurer. Même que c'était un lundi et que j'étais un peu en riole. Êtes-vous certain, demanda finement le président, que le mardi ne soit pas quelquefois pour vous un second lundi ? Dame, ça arrive. Si bien que vous auriez pu confondre le 20 avec le 19. Pour ça, non, je dis que c'est le 19. Et cette date, reprit maître français, se retrouve sur le registre de la morgue, dont le gardien ne peut être accusé, je suppose, de faire le lundi. Cependant, reprit le président, tout semble indiquer qu'il y a eu erreur dans ces deux indications. Ne le pensez-vous pas, maître français ? Je retiens l'incident, dit l'avocat, et je passe. De fait, pour l'auditoire, c'était là une chicane de la défense, cherchant à se rattacher à toute branche. Les allures du marinier plaidaient peu en faveur de sa mémoire. Quant au gardien de la morgue, on jugeait que maître français s'était porté un peu hardiment au garant de sa sobriété. Enfin, on appela Frédéric Orliac. Il y eut dans l'auditoire un frémissement de curiosité. Au banc des journalistes, on remarqua, avec un étonnement douloureux, un triste changement dans les allures du romancier. Naguère, il portait haut, redressant sa taille cambrée et le monocle rivé à l'œil, donnait à sa physionomie un caractère de raillerie presque de provocation. Maintenant, il marchait un peu courbé, tassé, pour ainsi dire. De plus, les yeux étaient cachés par des lunettes bleues. Ce fut d'une voix basse, difficilement perceptible, qu'il répéta le récit déjà connu. Il ne se montra ni plus, ni moins affirmatif sur l'identité du Bidard et de l'assassin. C'était le costume, la taille, mais la carrure lui semblait moins vigoureuse. Monsieur Orliac, dit le président. « Dites à messieurs les jurés à quelle complication a donné lieu l'horrible blessure que vous a faite l'assassin. » Orliac tressaillit légèrement. « La blessure du crâne s'est rapidement cicatrisée. » Mais l'ébranlement cérébral a été plus profond qu'on ne l'a supposé d'abord. J'ai grand-peine à travailler, et de plus, je crains un grave affaiblissement de la vue. » Il y eut dans l'auditoire un murmure de pitié. « Bidard, reprit le président, vous êtes en face d'une de vos victimes. Elle a heureusement échappé à la mort, mais la guérison sera lente. Aviez-vous quelque raison particulière de haine contre M. Orliac ? Mais je le jure, s'écria Bidard, que je n'avais jamais vu, monsieur. Est-ce qu'il me connaît, lui ? En effet, dit Orliac, jamais je n'ai vu cet homme, du moins avant les douloureuses circonstances que l'on sait. Bidard, s'écria le président à son tour, ne trouvez-vous pas dans votre conscience un élan de sincérité ? En face de cet homme, dont vous avez tué la compagne, que vous avez doublement et cruellement frappée, je vous adjure encore une fois de dire la vérité. « Monsieur le Président, dit Bidard, jamais je n'ai senti plus douloureusement l'impuissance où je suis de me justifier. Je souffre cruellement d'être accusé d'un crime si odieux et si lâche. Sur mon honneur, je n'ai pas volé, Je n'ai pas tué, j'en fais ici le serment solennel. » Bidard s'était dressé, le bras étendu, dans une attitude théâtrale presque ridicule. On lui répondit par des huées. « Je souhaite, monsieur, dit Orliac, que vous puissiez prouver votre innocence. » Ce vœu, si simplement formulé par la victime, semblait rendre plus criminel encore l'auteur de cet attentat. Les quelques applaudissements partis du fond de la salle, mais aussitôt réprimés, prouvaient l'indignation violente que soulevait l'attitude de l'assassin. On entendit les derniers témoins. La défense s'opposa à la comparution de Madame Bidard. On ne comprit pas la raison de ce refus, qui émanait de l'accusé lui-même, et l'effet produit fut détestable. L'heure étant très avancée, au moment où l'avocat général allait prendre la parole, la suite des débats fut renvoyée au lendemain. En somme, en dépit de quelques invraisemblances, il y avait contre Bidard 100 fois plus de preuves que contre nombre d'accusés, déclarés coupables par le jury. La possession des titres volés, la reconnaissance formelle des témoins donnaient à tous la certitude d'une condamnation. On supposait même, non sans quelque raison, que ce pseudo-savant pouvait bien faire partie d'une bande organisée, hypothèse qui expliquait ses sorties nocturnes et énigmatiques. Quant aux circonstances atténuantes, il ne pouvait en être question. Le crime était odieux dans son mobile et dans son exécution. Puisque la peine de mort existe dans nos codes, c'était là un des cas où, sans nul doute, elle devait être appliquée. Telle était l'impression générale de Paris qui, avec la spontanéité d'impression qui est sa caractéristique, plaignit Orliac vivant bien plus que sa femme morte. Son impartialité, sa bienveillance même, servaient d'argument contre le misérable qui avait brisé sa vie et peut-être lui infligeait un supplice pire que la mort. Car on parlait d'une paralysie possible du nerf optique, déterminée par la commotion et s'étendant, par un phénomène pathologique assez fréquent, d'un œil à l'autre. La condamnation de Bidard ne serait qu'une triste compensation à ses souffrances, mais du moins, elle donnerait satisfaction à l'opinion publique. On attendait donc avec impatience, mais avec confiance, le verdict du jury quand, le lendemain matin, une note mystérieuse publiée par le Nouvelliste vint provoquer une surprise universelle. Elle était ainsi conçue. Affaire de la rue Blanche. Nous croyons pouvoir affirmer qu'au début de l'audience d'aujourd'hui, une révélation inattendue, et si étrange que nous pourrions la faire pressentir sans soulever chez nos lecteurs un mouvement d'incrédulité absolue, changera complètement la face du procès et prouvera de la façon la plus irréfragable l'innocence de l'accusé. On devine l'effet foudroyant produit par cet énigmatique entrefilet. Les couloirs du palais de justice furent littéralement assiégés. On se battit à la porte de la salle d'audience. Le service d'ordre avait été doublé. Jamais le prétoire n'avait offert plus exactement l'aspect d'une salle de spectacle, un soir de grande première. Depuis le matin, le président, les juges, les avocats avaient subi des assauts féroces. C'était dans la salle, avant l'entrée de la cour, un bruissement tumultueux de conversation, un vrai tapage de club. Quand Bidard, amené par les gendarmes, prit place au banc des accusés, peu s'en fallut qu'on lui fît une entrée, comme un premier rôle. Il paraissait fort triste, toujours calme. On eût dit que lui seul restait inaccessible à l'émotion qui poignait l'auditoire. Était-ce donc qu'il ignorait les péripéties nouvelles dont un journal aurait eu la primeur? Ou bien n'était-ce là qu'un immense canard lancé pour surexciter la curiosité publique? Maître français, très entouré, se refusait à répondre aux questions dont on le bombardait. La cour, messieurs. Tous les regards interrogèrent la physionomie du président, dont le visage rond et un peu poupin paraissait absolument calme. Quant aux jurés, ils chuchotaient, se penchant les uns vers les autres. Là seulement, il y avait comme un avant-goût de mystère. Le président, s'adressant à Bidard, lui dit « Monsieur Bidard, on remarqua beaucoup le « monsieur ». Vous avez refusé jusqu'ici de faire connaître l'emploi de votre temps pendant la nuit du 19 au 20 janvier. Persistez-vous dans votre refus ?» Monsieur le Président, dit l'accusé, je ne puis que vous remercier de votre insistance, mais je suis forcé par ma conscience, par une parole donnée, et que je dois tenir de garder le silence. Le président se tournant alors vers les jurés. Messieurs les jurés, reprit-il, une circonstance qui vous sera tout à l'heure expliquée nous a révélé le nom de la personne chez laquelle M. Bidard a passé la nuit. Il eut un cri. Bidard était retombé sur son banc, effaré. En vertu de notre pouvoir discrétionnaire et après en avoir conféré avec monsieur le procureur général, nous avons décidé d'appeler et d'entendre ce témoin. » L'avocat général avait incliné la tête en signe d'assentiment. « Huissier, » dit le président d'une voix forte et en appuyant sur les mots, « tout homme a dans le cœur un cabot qui sommeille. Appelez monsieur Henri Feuillade. » Ce fut dans toute la salle une commotion électrique. Quoi ? Henri Feuillade, cette gloire de la France, l'adversaire résolu et souvent heureux de Pasteur, le dernier et infatigable défenseur de la physiologie spiritualiste, l'homme dont on pouvait combattre les doctrines, mais dont la renommée s'étendait dans le monde entier, ravivé par la publicité qu'on donnait, dans toute la presse, aux touchantes cérémonies projetées pour son centenaire à quelques mois de là. Et quelle ne fut pas l'émotion quand on vit, de la porte réservée aux témoins, sortir l'illustre vieillard, roulé dans un fauteuil, incapable de marcher, mais le buste droit, l'œil vif, la carnation jeune. Des applaudissements formidables éclatèrent de toutes parts, sans que le président songeât à les réprimer. C'était une ovation superbe, méritée. Il n'était personne qui ne se sentît le cœur serré et les yeux humides. Le tribunal s'est élevé en signe d'honneur. La scène avait un caractère grandiose, et pendant ce temps, Bidard, ahuri, affolé, gesticulant, criait « Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi !» Enfin, les huissiers parvinrent à apaiser cette tempête d'enthousiasme. Le silence se rétablit lentement, grâce surtout à la curiosité plus puissante que les plus énergiques objurgations. Le fauteuil du centenaire avait été roulé dans le prétoire, face au tribunal. On voyait les longs cheveux du vieillard retombant sur le dossier. « Monsieur Feuillade, dit le président, veuillez prêter serment. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, dit le savant d'une voix ferme et claire. Vous connaissez l'accusé? Certes, et je le tiens pour la conscience la plus honnête et l'intelligence la plus élevée que j'ai rencontrée pendant ma très longue existence. Ce début promettait, d'autant que Bidard, la tête entre les mains, sanglotait comme un enfant. Veuillez dire à messieurs les jurés ce que vous savez. Messieurs, dit le savant, permettez-moi d'abord d'expliquer pourquoi je suis ici et pourquoi je n'y étais pas hier. Cet homme est innocent de l'horrible crime qui lui est imputé. Je vous en donnerai la preuve tout à l'heure. Mais comment se peut-il faire qu'ayant cette preuve entre les mains, j'ai ainsi tardé à la produire? J'aurai des aveux à faire assez pénibles pour que l'on puisse me croire lorsque je vous affirme que cet inexplicable retard n'est pas de mon fait. Je suis vieux, je suis infirme, je ne quitte ce fauteuil que pour mon lit. Je suis d'un autre temps, et j'ai le très grand défaut, dont je ne pourrais me corriger faute de délai, de rester absolument indifférent aux menus faits qui constituent la vie quotidienne. C'est vous dire que je ne lis pas un seul journal, à l'exception des recueils spéciaux, et que j'ignorais complètement l'accusation aussi injuste qu'atroce portée contre mon cher, mon excellent ami et collaborateur, M. Bidard. Il y a 5 mois que je ne l'ai vu, me direz-vous. Comment ne m'étais-je pas inquiété de celui que j'appelle si hautement mon ami? Je ne suis pas coupable à ce point. J'ai envoyé 2 fois chez sa femme, qui a répondu avec le plus grand calme, que M. Bidard était en voyage, que je n'eusse à me préoccuper ni de son silence, ni de son absence. À mon âge, on est discret. Je n'ai pas insisté, attendant patiemment le retour de l'enfant prodigue. Hier soir, on a frappé à ma porte. C'était M. Français et M. Frédéric Orliac, dont j'ai eu le très grand plaisir de faire la connaissance et qui m'ont révélé ceci. Bidard, accusé d'avoir commis un double assassinat dans la nuit du 19 au 20 janvier, refusait absolument de révéler où il avait passé la nuit. Madame Bidard, qui savait tout, était restée impénétrable. Mais, dans la soirée d'hier, un de mes anciens élèves, M. Maurice Parent, dont le nom est, je crois, assez connu à Paris et qui était venu me voir la veille, a remis à Maître Français un billet, avec prière de le faire parvenir à M. Orliac et de le lire avec lui. Ce billet contenait simplement mon nom et invitait M. Orliac à interroger Mme Bidard à son sujet. Je dois dire que M. Maurice Parent est une sorte d'original, d'une intelligence hors ligne, et qui a la très rare faculté de trouver la solution des problèmes les plus ardus. Comment a-t-il découvert le rôle que je jouais à mon insu dans tout ceci? Comment, pendant sa visite, m'a-t-il fait avouer ce que j'ignorais même être en question? Toujours est-il que Maître François et M. Orliac se sont rendus chez Mme Bidard. Il n'a fallu rien moins que la certitude de la condamnation de son mari, et encore la conviction qui s'impose à elle que son secret pouvait être connu, pour qu'elle se laissât toucher par les prières de l'avocat et de M. Orliac, auquel je me plais à rendre cet hommage, que quoique victime du crime reproché à l'accusé, il n'a pas hésité à employer toute son influence pour arriver à la découverte de la vérité. Bref, Madame Bidard a avoué. On est venu me trouver et me voici. Maintenant, pourquoi ces hésitations? Pourquoi ce silence poussé jusqu'à l'héroïsme? Ici, messieurs, c'est moi qui vais être obligé de faire ma confession, et je réclame toute l'indulgence du tribunal. Monsieur Feuillade, très maître de lui, mettait dans ses moindres paroles une finesse, une sensibilité qui touchait le cœur des plus sceptiques. Quand il parla de confession, d'indulgence, on comprit que sous la douce ironie de l'accent, il y avait un regret profond, sérieux, d'être contraint de révéler en public certaines faiblesses dont on ne devinait pas encore la nature. À tout instant, ces paroles étaient soulignées par un murmure approbatif. On avait failli applaudir au moment où on avait appris l'acte vraiment méritoire de Frédéric Orliac, s'entremettant lui-même pour prouver l'innocence de l'accusé. C'était, il fallait en convenir, de l'impartialité élevée à la hauteur d'une vertu dont peut-être bien peu des assistants se fussent sentis capables. Le président, ayant invité M. Feuillade à continuer sa déposition, l'illustre savant reprit. « Messieurs, je tâcherai d'être aussi bref que possible. Je n'oublierai pas que je ne suis pas en chair de professeur. Et cependant, pour que vous compreniez bien toute cette affaire, pour que surtout soit expliqué l'extraordinaire silence que gardait mon ami M. Bidard devant une aussi horrible accusation, il me faut entrer dans certains détails scientifiques pour lesquels je sollicite toute votre attention. » Ceux qui ont bien voulu me suivre de leur bienveillant intérêt depuis 80 ans que je travaille savent que je suis resté immuablement attaché aux mêmes idées scientifiques. Je ne nie pas même qu'il y ait eu de ma part un certain entêtement dans ma résistance aux idées nouvelles. Jadis, adversaire des théories de Lamarck et de Geoffrey Saint-Hilaire, partisan d'Agassiz et de Quatrefages, j'ai refusé d'admettre les théories modernes, création naturelle, sélection, et au sein de l'Académie des sciences, je me suis déclaré le champion inébranlable de la fixité des espèces. Je dirais même que c'est surtout à ce point de vue que je suis connu de la foule. Si j'ai quelque réputation, c'est surtout celle d'un réactionnaire endurci. Je ne parle bien entendu ici que d'opinion scientifique. À mon âge, il est rare que l'on change, n'est-il pas vrai? Ceux-là même, qui s'irritaient le plus de mon immobilité convaincue, ne s'en étonnaient pas outre mesure. Mon siège était fait. La mort vient, et certes, je n'ai ou plutôt je n'avais jamais douté qu'elle dût me trouver dans ce que certains appelleraient l'impénitence finale. Eh bien, messieurs, voici le terrible, le désolant aveu que j'ai à faire ici. À 100 ans, tout à l'heure, et cela par la faute, par le vrai crime de mon cher et savant, très savant ami M. Bidard, je vais passer pour une abominable girouette. Qui sait si on ne me traitera pas de renégat? Qui puis-je? L'homme que voilà m'a ouvert les yeux. Il m'a prouvé que je m'étais trompé. Il faut bien que je le déclare. C'est un peu plus tôt que je ne le supposais, voilà tout. Je m'étais surtout refusé à admettre les théories nouvelles, pour la raison que voici et que je tâcherai d'exposer aussi clairement que possible. On sait que nous divisons les choses de la nature en deux règnes, l'organique, comprenant les animaux et les végétaux, et l'inorganique, comprenant les minéraux, les métaux, d'un côté ce qui vit, de l'autre ce qui ne vit pas. Pour moi, cette scission fondamentale était restée le principe même de la science. C'était à mes yeux l'argument décisif contre des théories qui ont pour but de prouver l'unité de création, la série de descendance des choses et des êtres. Un jour, il y a de cela 2 ans, M. Bidard vint me trouver avec une lettre de recommandation d'un de mes confrères, lettre un peu ironique, je dois le dire, et dans laquelle perçait une défiance mal dissimulée de la lucidité mentale du protégé. Pourquoi M. Bidard venait-il à moi, qu'il savait l'adversaire acharné des théories qu'il défendait? Je le lui demandais. Il me répondit que c'était cette raison même qu'il avait décidée. Il était sûr de lui et voulait être combattu à outrance pour que sa victoire fût plus complète. Tout d'abord, je fus quelque peu choqué de cette outrecuidance, mais en même temps, je constatai avec surprise que je me trouvais en présence d'une des intelligences les plus largement ouvertes et les plus synthétiques à la fois, d'une des facultés de travail et d'exposition les plus extraordinaires que j'eusse jamais rencontrées. M. Bidard me jetait tout simplement cette déclaration qui était pour moi la pire des hérésies. Il n'y a rien d'inorganique dans la nature. Tout vit, tout naît, tout souffre, tout se développe, tout évolue, tout meurt. l'animal, le végétal, aussi bien que le minéral. Sentez-vous tout ce que cette affirmation avait d'inouï, de stupéfiant, que dirais-je, d'insultant pour moi ? Et pourtant, je fus saisi par le démon de la curiosité et aussi par le désir de mettre à néant les arguments de cet ennemi nouveau dont je sentais la force. Eh bien, messieurs, c'est moi qui étais vaincu. Mais à quel prix ? Pendant 2 ans, M. Bidard est venu 4 ou 5 fois par semaine passer avec moi plusieurs heures de nuit. Pourquoi la nuit ? Uniquement parce qu'à mon âge, il se produit dans l'entendement des phénomènes singuliers. Je dors de 8 heures à minuit, et à 7 heures je me réveille, l'esprit plus lucide, plus scientifiquement audacieux. Et puis, aveugle qui me coûte, sentant mes vieilles convictions s'ébranler, sentant s'effondrer sous moi l'échafaudage lentement élevé pendant toute ma vie, j'étais lâche, et je voulais travailler à l'insu de tout le monde. Enfin, et ici je courbe la tête et me frappe la poitrine, j'avais exigé de M. Bidard, je ne dis pas le serment, mais la promesse, de ne dénoncer notre collaboration qu'au jour et à l'heure où je l'y autoriserais. Le malheureux grand homme a tenu sa parole. Vous l'avez entendu, refusait de me nommer. Il eût peut-être marché à l'échafaud, restant muet pour qu'un vieux fou comme moi n'eût pas le très secondaire ennui d'avouer sa conversion à des idées qu'il a si longtemps combattues. Si donc il y a ici un homme devant lequel tous doivent s'incliner, c'est celui-là que je vois sur le banc d'infamie, ce savant en qui il y a un homme d'honneur et un héros de probité. Disant cela, M. Feuillade avait étendu la main vers M. Bidard qui rougissait comme une jeune fille. Des acclamations avaient jailli de tous les côtés de la salle. Le jury, les avocats jusqu'au procureur général, tous, saisis par la contagion de l'enthousiasme, s'étaient levés. On s'était jeté vers Bidard, dont 100 mains serraient les mains, ce qui ne laissait pas que d'embarrasser les bons gardes, qui regardaient fixement le président, attendant un ordre qui ne venait pas. M. Feuillade était entouré, applaudi et aussi mis littéralement à la question. Qu'était-ce donc que cette histoire de Pierre qui vive ? M. de Sampère, le président, qui était connu par des travaux de psychologie, brûlé du désir d'en connaître plus long. N'y pouvant résister, il ramena le silence et très nettement pria M. Feuillade de fournir quelques explications sommaires sur sa découverte. Sur la découverte de M. Bidard, rectifia doucement M. Feuillade, je ne fais pas de fausse modestie. Il était le chef de laboratoire et j'étais son très modeste et parfois très maladroit préparateur. Sa découverte, c'est la démonstration d'un aphorisme de Cardan, cet admirable fou du XVIe siècle, aphorisme que nous ne considérions que comme une boutade d'alchimiste. Le minéral vit, souffre et meurt. Eh bien, le fait est vrai. Le minéral n'est qu'un animal ou une agrégation d'animaux dont l'immobilité et l'impassibilité ne sont qu'apparentes. Il y a non seulement une biologie, mais une physiologie et une pathologie minérale. Le cristal est un individu dont les blessures se cicatrisent, qu'on soigne et qu'on guérit. Il y a des microlithes qui sont au minéral, ce que le microbe est à l'animal. Il y a guerre entre les minéraux, et comme le disait Sainte-Claire de Ville, les gros cristaux mangent les petits, il y a des monstres minéraux, il y a des minéraux que tue l'exil. Voilà ce que M. Bidard a découvert. Les preuves sont convaincantes, pas d'hypothèses, des faits. La nature est une dans ses manifestations. C'est une chaîne sans fin, merveilleuse, et dont la perfection contraint les plus sceptiques à admirer plus encore la force motrice qui anime les mondes. M. Feuillade parla encore quelque temps, reportant tout l'honneur de ses découvertes à M. Bidard, dont les travaux doivent être bientôt publiés, et pour lesquels le centenaire se faisait fort d'obtenir la survivance de sa chaire de minéralogie. Le procureur général, invité par le président à prendre la parole, fit en termes concis pleine réparation à l'infortuné savant. Il fit plus qu'abandonner, il rétracta l'accusation portée contre lui, et le tribunal prononça sa mise en liberté immédiate. On vit un spectacle touchant. Orliac vint lui-même, donnant le bras à Madame Bidard, au devant de l'innocent qu'il embrassa, disant hautement combien il était heureux d'avoir contribué pour une faible part à la découverte de la vérité. Bidard vint se jeter dans les bras de M. Feuillade. Allégresse générale. Tableau, comme disent les manuscrits dramatiques. Très joli, disait en descendant les marches du palais de justice Fiévet, le principal reporter du Nouvelliste. Mais avec tout cela, on s'embrasse. C'est fort bien, Mais le crime et l'assassin, bois, répliqua un autre, affaire classée, une de plus. Décidément, la police est une belle chose. Monsieur Lecoq est mort. Mort aussi, monsieur Jacqual. Et mort, le Dupin d'Edgar Poe. Tiens, dit Fiévet, vous me rappelez l'intervention si inattendue de Maurice Parent, un ressuscité. Qu'est-ce donc ce Maurice Parent ? Demanda la jeune. Un personnage assez singulier. Pas un excentrique, pourtant. Un chercheur de petites bêtes, un devineur de rébus, qui ne fait pas trop mauvaise figure auprès de Dupin et qui a attaché son nom à des affaires qui valent presque la lettre volée ou l'assassinat de la rue Morgue. Je ne m'attendais guère, je l'avoue, à le voir paraître en celle-ci. Et tenez, le voilà. Fiévet appela l'homme qu'il désignait de la main. Maurice Parent avait alors 40 ans et commençait à prendre un léger embonpoint. Depuis longtemps, on n'entendait plus parler de lui. Cependant, on savait qu'il avait passé plusieurs mois à Nancy, étudiant avec M. Bernheim les mystères de la suggestion. À la voix de Fiévet, il avait levé la tête et s'était dirigé vers le groupe des journalistes. On échangea des poignées de main, puis Fiévet lui demanda, à brûle-pourpoint, « Là, entre nous, quel est l'assassin d'Orliac ?» Maurice se mit à rire. « C'est comme nécromancien que vous m'appelez ?»« Puisque tout le monde a échoué, il n'y a plus de recours qu'en vous. »« C'est très flatteur pour moi, mais je n'exerce plus. »« Allons donc !» s'écria Marietal. L'auteur dramatique, il ne manque pas un procès célèbre, recueillant des notes pour ses comédies à l'emporte-pièce, avec cela que vous désintéressez si fort que ça. N'est-ce pas vous qui avez sauvé ce brave Villard ? C'est ma foi vrai, dit Fiévet. Vous avez déniché Feuillade. Avouez que ce n'était pas très difficile. Vous parlez bien à votre aise. Voyons, fit Parent, en passant son bras sous celui de Fiévet. Raisonnons. La police a cherché le commissionnaire, l'armurier. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché le savant ? C'est l'affaire de l'accusé. C'est-à-dire que la vérité n'est point admise comme supérieure à toute considération. Est-ce donc ainsi que devrait agir la justice ? Sa stricte mission est de découvrir la vérité, toute la vérité, et elle doit la rechercher dans tous les sens aussi bien pour que contre l'accusation. Mais ce sont là des idées qu'il serait impossible de faire entrer dans la tête d'un juge instructeur. Parmi les dires de l'accusé, on ne contrôle que ceux qui peuvent augmenter les présomptions de culpabilité, jamais ceux qui serviraient à établir son innocence. Cette fois, on a nié le savant. C'était plus simple. On n'admet pas que l'accusé puisse avoir, pour se taire, une raison plus forte que son intérêt. Et cependant, l'affaire nous a donné une preuve indéniable que cette étrangeté, comme toutes les étrangetés, est possible. Moi, qui n'appartiens ni à la police ni à la justice, je me suis dit que peut-être Bidard disait la vérité. Sur cette simple donnée, j'ai agi, j'ai interrogé, fureté, et j'ai trouvé Feuillade. Je vous jure que ce n'était pas difficile et qu'il ne fallait qu'un peu de persévérance, et une voiture à l'heure. Mais quel intérêt aviez-vous à prendre tant de peine ? Supposez, s'il vous plaît, que j'ai voulu me donner tout simplement le très amusant spectacle auquel nous avons assisté. N'avez-vous pas trouvé charmante l'attitude de ces hauts justiciers, oubliant instantanément que depuis 3 mois, ils ont torturé un homme qu'ils n'ont jamais vu. C'est fort comique. Et puis, qui sait, j'avais encore une autre raison. Laquelle ? Oh, celle-là, peut-être, ne la dirai-je jamais. Bon. Il vient de vous passer dans les yeux un éclair que je reconnais. Vous n'avez pas dit sur l'affaire votre dernier mot. Voyons, un bon mouvement. Il faut parler. J'ai une voiture, s'empressa d'ajouter Marietal. Je puis vous mener tous deux au boulevard. Soit, dit Maurice en riant. Voici la première fois que mon prétendu talent de sorcier me rapportera quelque chose. Il fait la coquette, dit Fiévet à l'oreille de Marietal. Un instant après, les 3 hommes montaient en voiture. Maurice Parent ne paraissait point si impatient de parler que Fiévet l'avait supposé. Plongé dans ses réflexions, il s'était accoté au fond de la voiture, les yeux à demi fermés. La curiosité aidant, on s'abstint de le troubler, mais tout doucement, et sans qu'il semblât s'en apercevoir, on le conduisit à une table du café Riche, assez isolée pour qu'on pût causer sans crainte des importuns. Maurice obéissait avec une docilité exemplaire. Il y avait peut-être au coin de sa lèvre un peu d'ironie, et quand les consommations furent servies, il releva vers ses amis ses yeux au regard aigu et leur dit simplement « J'attends ». « Ma foi, » dit Fiévet en riant, « il est bon d'être franc quand on ne peut pas faire autrement. Expliquons-nous. Maurice, vous n'êtes pas un flâneur ordinaire. Si vous vous êtes mêlé de cette affaire, si vous êtes intervenu au procès du très heureux Bidard, En voilà une réclame. Ce n'était point pour l'unique plaisir de rendre à la société ce crâne en œuf d'autruche. Vous suivez une idée comme d'autres suivent une femme, et vous vous laissez entraîner jusqu'à ce que vous connaissiez les dessous. En un mot, vous épousez la fée Orliac pour lui faire un enfant. Montrez-nous le bébé, que nous en soyons les parrains. Le mariage, comme vous dites, est peut-être trop récent, mais il y a des symptômes de naissance prochaine. Sur mon honneur, je n'en sais rien. Vous aviez deviné que Bidard était innocent. Deviné, non. L'accusation ne tenait pas debout, et je n'ai eu à cela d'autre mérite que l'impartialité. Au fait, je l'admets volontiers, mais une question s'impose. Vis-à-vis de tout autre, elle semblerait irrespectueuse. Mais à vous, elle est toute naturelle. Quel est l'assassin d'Orliac et de sa femme? Si je le connaissais, me conseilleriez-vous de le dénoncer? Certes. Laisser un assassin dans la circulation, c'est risquer la vie d'autrui. C'est possible, fit Maurice. Mais parlons sérieusement. Je ne dirai pas que je cherche. Il est dans ma nature de m'attacher à ces problèmes, comme d'autres ont la passion de l'absinthe ou de l'opium. Mes désirs n'est pas toujours réalité. Je ne sais pas encore la vérité. Mais vous la saurez. À moins que dès le premier pas, je n'ai fait fausse route. Vous avez une hypothèse. J'ai surtout un point de départ. Et tenez, je vais vous le donner. Après quoi, vous serez aussi savant que moi. Et vous pourrez, s'il vous convient, arriver aussi vite au but. Il ne me plaît pas d'ailleurs de jouer à l'oracle. De plus, je ne me pose pas en redresseur de tort. J'ai cru devoir aider au salut du pauvre Bidard, voilà tout. Quand un châtier un assassin, ceci regarde la justice, ou le criminel lui-même. Croyez-vous qu'il se dénoncera, qu'il se condamnera? Qui sait? Mais j'en reviens au point de départ dont je vous parlais. Il est multiple. En vérité, ce qui me paraîtra toujours singulier, c'est la légèreté avec laquelle on étudie ces sortes d'affaires, la facilité avec laquelle on néglige des observations fort simples et qui cependant peuvent être concluantes. Voyons cela. Maurice était un peu pâle, en proie à ce démon de la recherche que Fievet avait diagnostiqué en lui. Bidard, reprit-il, qui est un esprit mathématique, a fait deux observations ingénieuses auxquelles le tribunal n'a rien compris. D'abord, il a fait remarquer combien il était étrange que l'assassin eût abandonné le revolver qu'il tenait à la main quand il avait frappé Orliac et qu'il eût emporté le marteau qu'il ne pouvait plus avoir à la main. Il y a là une bizarrerie peu explicable. Qu'en pensez-vous? Il aura ramassé le marteau. À quoi bon? Ce marteau ne lui appartenait pas. Il l'avait pris dans la maison. Il ne pouvait pas le compromettre. Je supposerais, dit Marietal, que l'assassin, ayant perdu la tête, l'a ramassé machinalement. C'est-à-dire que vous écartez tout ce qui vous gêne par des hypothèses plus ou moins justifiables. C'est ainsi encore que vous avez rejeté le double témoignage du marinier et du gardien de la morgue, fixant la soirée du 19, avant le crime, la découverte des vêtements que, d'après l'accusation, l'assassin aurait portés dans la nuit du 20. Ces deux hommes étaient ivres, c'est bientôt dit. Mais comment se fait-il alors que, sur le registre de la morgue, le dépôt des vêtements indiqué à la date du 19 soit suivi d'une autre indication portant remise des faits, le 20, à 8h du matin? Ou cette seconde notation est également fausse, ou la première est vraie? Mon raisonnement est-il attaquable? En aucune façon. Mais les conclusions? Ah, voilà bien votre impatience ordinaire. Je n'ai parlé encore que de ce qui a été révélé au cours du procès. Voici autre chose. Vous reconnaissez maintenant que Bidard est un honnête homme? Certes. Le moyen d'en douter? Oh, je n'en doute pas. Je tiens à constater seulement qu'il vous paraît incapable d'un mensonge. C'est entendu. Alors vous devez ajouter foi à sa déclaration quand il vous a dit qu'il a trouvé l'enveloppe et les obligations devant le square de la Trinité. Je ne vois aucune raison pour ne pas le croire. Bien. Où demeurait ce monsieur Orliac? Au numéro 26, de la rue Blanche. Les numéros vont en montant vers Montmartre. Le marteau a été trouvé devant le numéro 30, c'est-à-dire que l'assassin, sortant de l'hôtel, aurait gravi la rue et aurait alors jeté le marteau. Mais alors, comment se pourrait-il faire qu'il eût perdu les obligations sur la place de la Trinité, à laquelle on arrive du numéro 26 qu'en descendant la rue Blanche? Il eut un cri de surprise. En fait, personne n'avait songé à cela. C'est qu'il sera revenu sur ses pas, dit Marietal. En supposant toujours que cet assassin, qui a si bien combiné l'affaire, ait eu la tête perdue. donc il aurait monté la rue pour jeter le marteau, et il l'aurait descendu pour perdre les obligations. Avouez que pour concilier ces contradictions, il faut une rude dose de bonne volonté. Mais il y avait peut-être deux assassins. Orliac n'en a vu qu'un, un seul, dans la chambre de sa femme, le même se jetant sur lui et essayant de lui brûler la cervelle. Où voulez-vous en venir? Que vous dites que je veuille quelque chose? Je vous ai posé trois points. Les vêtements retrouvés n'étaient pas portés par l'assassin dans la nuit du crime, car ils avaient été jetés à la Seine auparavant. Il est étrange que l'assassin ait abandonné le revolver et jeté le marteau, à moins qu'il n'ait été forcé d'agir ainsi. Pourquoi? Par une cause à trouver. Enfin, il est invraisemblable que les obligations aient été jetées après le crime place de la Trinité, tandis que le marteau avait été délaissé rue Blanche dans une autre direction. « Mon cher ami, » dit Fievet, « tout cela peut être aussi logique que possible, mais pour nous ces détails paraissent bien insignifiants. Nous en revenons toujours au fait, Madame Orliac a été assassinée, Orliac n'a échappé à la mort que par miracle, voilà l'important. Il s'agit de trouver l'assassin, et j'avoue que vos dissertations, fort ingénieuses, ne nous fournissent aucun indice. Et je vous jure que je n'en ai point d'autre. Vous trouverez. Je cherche. Et là-dessus, pardonnez-moi de vous quitter, mais je dîne chez la comtesse Vasiniska, et j'ai à peine le temps de m'habiller. » En somme, les deux amis étaient fort désappointés, impression que Fievet traduisit en disant à l'oreille de Marietal, « Décidément, il baisse. » « Je l'ai toujours jugé un peu poseur, » répliqua l'auteur dramatique. Ils serrèrent avec effusion les mains de Maurice Parent, et chacun tira de son côté. Le temps passa. L'attention publique, attirée par les actualités que le hasard réserve aux journaux pour entretenir leur vogue, s'était, on le comprend, absolument détournée de l'affaire Orliac. À peine, si de mois en mois, un reporter glissait quelque allusion désagréable au service de la sûreté visant le crime de la rue Blanche dans la nomenclature des mystères impénétrés. Cependant, deux mois après le procès Bidard, les écotiers avaient annoncé qu'Orliac, complètement rétabli, allait épouser la comtesse Vasiniska, trois fois millionnaire et dont l'hôtel, rue Velasquez, était une merveille de luxe et de goût. Une chronique toute entière avait été consacrée à cette étrangère, plus parisienne que les parisiennes, dont le charme, l'élégance et aussi l'inépuisable charité tendaient à devenir légendaires. Quant à Orliac, chacun le félicitait, non sans quelque envie. C'était là une flatterie qui devait être douce à son amour-propre. Le sort ne lui devait-il pas d'ailleurs une compensation, après les horribles épreuves qu'il avait traversées? N'avait-il pas failli devenir aveugle, et un instant, sa raison même n'avait-elle pas couru de véritables dangers? Il eut à ce moment un gros regain de popularité. On annonça de tous côtés qu'il préparait une œuvre inédite sous ce titre original, « Mon dernier roman ».« Cela fera pendant mon premier crime, de Massé », avait dit quelqu'un. De fait, le nouvelliste, à l'affût de tout ce qui pouvait intéresser ses lecteurs, annonça bientôt le roman dans une belle vedette de première page. On sut qu'une prime importante avait été payée. Le roman devait paraître au plus tard dans deux mois, après l'achèvement du feuilleton en cours. Orliac recommençait à se montrer toujours élégant, cependant un peu raidi dans sa mise soignée, n'ayant plus cette désinvolture alerte qui lui donnait des allures militaires. On le trouvait affaissé. Les paupières clignaient un peu. Il évitait les causeries, se contentant le plus souvent de saluer de la main ses anciens camarades. Bon, cela s'expliquait par l'éternelle mobilité de la nature humaine. À la veille de devenir une sorte de grand seigneur, il se débarrassait de tout ce qui, dans son bagage d'antan, sentait peu ou prou le bohème. On attendait son mariage pour le juger définitivement. Il semblait même que ce mariage tardât beaucoup. Il y avait maintenant plus d'une année qu'il était veuf, et se perdant au lointain, le drame de la rue Blanche n'apparaissait plus que comme un vieux souvenir. De plus, le manuscrit, du moins les premiers feuilletons du roman annoncé, n'arrivaient pas au journal. Guersin, le directeur du Nouvelliste, commençait à s'impatienter. Qu'il écrivît ses feuilletons au jour le jour passe encore, quoique la méthode soit dangereuse. Mais encore fallait-il qu'il donnât pâture pour les premiers numéros. Billet sur billet lui était adressé. Il répondait « Soyez tranquille, je serai prêt. » Tranquille, tranquille, c'est facile à dire. Mais quand on doit faire une grande machine comme le Nouvelliste, on ne peut pas tabler sur des brouillards. Après tout, on le payait fort cher. On avait déjà dépensé beaucoup en publicité. Il est vrai qu'on avait compté sur le mariage pour donner au lancement un ragoût nouveau. Rien n'aboutissait. Il fallait en finir, d'autant que le roman en cours, allongé sur demande, devenait littéralement assommant. Bien écrit soit, mais assommant. Un jour, Guersin entra comme une trombe à la rédaction. « Mes enfants, cria-t-il, nous sommes fichus. Orliac est gâteux. Je viens de chez lui. La balle qu'il a reçue dans le nez a fait des petits. Il en a toute une nichée dans le cerveau. Il est presque aveugle. Il ne pourra pas écrire une ligne du roman. Et il faut commencer dans 8 jours. Je l'ai vu. Il est très réussi. Il n'a plus l'air de rien comprendre. Ou plutôt, on dirait qu'il comprend trop, qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Sa blessure au front fait l'effet d'un trou profond par lequel un œil vous regarde. Sa cervelle s'en va, elle filtre, s'éclaire. Enfin, tout ça ne me regarde pas. Les affaires avant tout. Savez-vous le bouquet? Plus de mariage, rasé. La comtesse Machinska a mis son hôtel en vente et a filé pour l'Italie. Une débâcle, un homme à la mer. Et le roman? Je lui ai dit... « Mon petit, tu te dégaves, c'est ta fête, mais tu ne peux pas me faire faux bon. »« Et l'abonné, misérable, le sublime et doux abonné. » »« Flûte, comme si j'avais parlé à un sénateur. » Alors je me suis fichu en colère. « Et les avances, et la publicité ?» Il remue la tête comme ça. « Un magot. »« As-tu un scénario au moins ?» Ai-je demandé. À cette question-là, il a eu un drôle d'air, un sourire à faire claquer les os, et il m'a répondu. Oui, il y en a un. C'est Maurice Parent qui l'a. Maurice Parent, cria Fiévet. N'interromps pas, c'est palpitant. Du reste, j'ai dit la même chose. Maurice Parent? Oui, oui, a repris Orliac. Demande-le lui. Qu'on fasse le roman sur son scénario, sur notre scénario. Et il ajoutait en ricanant, il était vilain. C'est bien moi qui lui ai donné le sujet. Mais ta signature? Attends. Il m'a fait signe d'approcher de lui une petite table et s'est mis à écrire. Il a relevé la tête pour me dire « Ma main tremble maintenant. » Et il a écrit une autorisation de publier sous son nom le roman d'après le scénario de Maurice Parent. Il a signé. Voilà le papier. Il ne s'agit plus que de trouver Maurice Parent. Quant à savoir tout ce que cela veut dire, que plus malin que moi le déchiffre. Mais alors nous sommes sauvés. Jamais. Je ne crois pas à cette histoire fantastique. Parent n'a rien. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de mon dernier roman. Et nous sommes dans la pommade jusqu'au cou. Qui sait d'abord où nous dénicherons par an? Quelle heure est-il? 3h30. Tous les jours depuis une semaine, Maurice, contre son habitude, vient à 4h s'installer chez Torloni. Et même hier, il m'a dit en riant, encore un kéripal, que si j'avais besoin de lui, je le trouverais là, à la même heure. Va le chercher, attends-le. S'il ne vient pas, crève tous les chevaux de l'urbaine, pulvérise tous les chapeaux blancs. Il me le faut, j'ai dit. Et là-dessus, avec un geste gamin, Guersin rentra dans son cabinet, dont il fit claquer la porte avec fureur. « Parent n'a jamais fait de roman, » dit l'un. « Si seulement il y a une idée dans son scénario, on le lui fera. » Fiévet prit son chapeau. « C'est tout de même un bon truc pour faire passer un ours, » murmura-t-il. À 4 heures précises, Maurice Parent entrait chez Tortoni. Fiévet l'y attendait impatiemment. En 2 mots, il le mit au courant de ce qui se passait. « Tout ça, c'est de la blague, n'est-ce pas ?» lui demanda Fiévet. « Vous vous trompez, » répliqua Maurice. « C'est très sérieux. » Et après une pause, il répéta. « Très sérieux. » « Alors il y a un scénario ?»« Oui. » « Corliac connaît ?» « Je suis allé le lui proposer il y a 8 jours. » »« Il l'a accepté. » »« Il ne pouvait pas le refuser. » »« Toujours singesque, » fit Fiévet qui raillait du bout des lèvres. « Enfin voici. » Guersin est allé chez Corliac qui vous a indiqué comme l'auteur d'un scénario très intéressant. Entre nous, je suppose qu'il n'y a guère collaboré. C'est une erreur, tout lui appartient. Soit. Enfin, si la chose empoigne Guersin, c'est affaire faite. Vous voilà romancier d'emblée, et au nouvelliste encore. Enlevons. Maurice réfléchit un instant. Guersin a bien en main l'autorisation d'Orliac. Il l'a. Alors je vous suis. Il est bon que cela arrive quelquefois. Cela quoi? Pardon, je me parle à moi-même. Vous savez, c'est une mauvaise habitude chez moi. Encore un mot. Il faut que j'envoie chez Orliac et que je lui fasse remettre un billet. Vous permettez? Faites donc. Maurice écrivit cette seule ligne. Je livrerai le scénario à 5 heures. Puis il cacheta et confia le billet au chasseur, avec ordre de le porter immédiatement chez Orliac. Pas de réponse? lui demanda le gros homme. Je ne crois pas. En tout cas, demandez, et si l'on vous en remet une, vous me l'apporterez au nouveliste. Fievé et Maurice quittèrent le boulevard. Chemin faisant, ils rencontrèrent Marietal, qui, mis au fait, ne les lâcha plus. Un scénario. Il y avait peut-être une pièce là-dedans. Ils entrèrent dans le cabinet de Guersin qui était en train de mâcher de la besogne à un débutant, lui criant « Si t'as quelque chose dans le ventre, ça va, sinon bonsoir. » Il connaissait Maurice de longue date. Il lui serra la main, puis arrivant promptement au sujet qui l'intéressait « Le scénario, vite !»« Le voici !» dit Maurice en tirant de sa poche un mince cahier. « Eh bien, lisez-nous ça. »« Est-ce que je suis de trop ?» demanda Marietal. « Non pas. Deux avis valent mieux qu'un. Trois même. Reste, Fiévé. » Et écoutons ça. Pas d'observation, n'interrompons pas. Si ça nous embête, tant pis, il fallait jusqu'au bout pour savoir si ça peut se retaper. Un instant, dit Maurice. Je crois devoir vous avertir tout d'abord que vous ne publierez pas ce roman. Qu'est-ce que vous en savez? C'est donc idiot? Alors merci, nous en sortons. C'est fort intéressant, mais vous ne le publierez pas. Encore une fois, pourquoi? Parce que vous êtes un galant homme. Guersin, recevant le mot en pleine figure, s'ébroie, tout ça et dit « Pas de brutalité. Allez-y de votre scénario. Je ne comprends rien à toutes vos histoires, mais je veux savoir le fin mot. » « Encore un moment, » dit Maurice. « J'attends une réponse. » Guersin allait s'impatienter pour tout de bon. On frappa la porte. Le groom rapportait le billet de Maurice, tout ouvert, et sur lequel Orliac avait écrit au crayon ce seul mot « Allez. » « Je suis à vos ordres maintenant. » dit Maurice avec un léger tremblement dans la voix. « Je prie, comme l'a demandé Guersin, qu'on ne m'interrompe pas. Il y a là-dedans un caractère qui va être expliqué un peu longuement. « Mais allez donc !» s'éclaire Guersin avec un juron. « Voici. Le personnage principal se nomme, nous l'appellerons Pierre Jeannet. Il est né en province, à la campagne, d'un père brutal qui lui a donné plus de coups que de morceaux de pain. La mère morte, on l'a envoyé au champ. Il était chétif, la tête trop grosse pour son âge, rêvasseur et inactif, le travail manuel lui faisait horreur. Le père Jeannet, qui n'aimait pas les valeurs improductives, avait jugé qu'à l'école ce n'était que temps perdu. Pourtant le petit avait appris à lire et écrire, aussi un peu, mais très peu, à compter. On l'avait repris bien vite pour l'envoyer paître les vaches. Au jour de moisson et de vendange, il fallait qu'il fît sa partie comme les autres. Cela le tuait, mais s'il montrait sa lassitude, le père cognait, et par crainte, le petit se soumettait en pleurant des larmes de rage. Ainsi jusqu'à 16 ans. Quand il eut cet âge, le père mourut. On le croyait riche. Ce n'était qu'un de ces tartuffes d'argent comme on en rencontre à la campagne. Il avait toujours son quant à soi, et son avarice n'était que le masque de sa misère décente. Tous ses biens étaient hypothéqués au-dessus de leur valeur. Il ne laissait rien à son fils. Je me trompe, il lui laissait la liberté. Le petit en profita pour s'engager. Il avait vu passer des soldats dans le village. Cet éblouissement des uniformes était le seul souvenir heureux de sa vie. Il avait grandi et pris de la force. Il choisit la cavalerie. Ici, une description de la vie militaire. Pierre est entêté, insubordonné, brutal. Entre lui et ses supérieurs, c'est une lutte dans laquelle il est vaincu. Son caractère se forme, prend du relief. Il comprend toutes les puissances de l'hypocrisie. 6 mois après son entrée au régiment, c'est un cavalier modèle. Au-dedans, des fureurs blanches. Il rêve d'assassiner son capitaine et lui sauve la vie dans une manœuvre. Le voilà classé parmi les bons. Au bout de 5 ans, il est fourrier. Jusque-là, il n'a pas vécu. Le monde lui apparaît comme un Éden fermé dont la clé est d'or. Et il n'a pas d'or. Il vole la caisse du régiment. Il est perdu. Une femme le sauve. Bonne femme, demi-bourgeoise, plus âgée que lui. Elle a 35 ans, il en a 22. Elle adore ce grand garçon qui est encore resté paysan. Elle se plaît à cette œuvre de pseudo-maternité qui est l'illusion de tant d'amour féminine. Elle est mariée, mais son mari l'a abandonnée. Elle n'a pas d'enfant. Pierre devient à la fois son amant et son enfant. Elle le décrasse, elle l'instruit. Lui se laisse faire. Pour la première fois de sa vie, il se sent enveloppé d'une atmosphère tiède de bonheur doux et de complaisance câline. Il lui plaît d'être bercé dans ses bras potelés, qui n'ont pas la gracilité des 20 ans, mais qui n'en sont que plus moelleux sous sa tête. La femme est romanesque et non sans quelques velléités de blabéisme. Elle découvre en Pierre une intelligence réelle, une netteté de conception très remarquable et peu à peu, elle voit se développer en lui une rare faculté d'improvisation. Elle envoie quelques manuscrits de son amant au journal local qui les insère. Un article a même du succès. Voici une voie toute trouvée. Pierre sera bientôt libre, il jettera ses galons aux orties et viendra à Paris avec sa maîtresse. Là, elle le guidera, le pilotera. Elle fait miroiter devant ses yeux tout un avenir de gloire. L'illettré d'hier se met au travail avec acharnement. Il est pauvre. Qu'importe, n'a-t-il point quelques 1000 livres de rente? Ce qui est à elle, n'est-il pas à lui? Éternel argument qui a eu raison de bien des scrupules. Quoi de plus naturel, d'ailleurs? Il l'aime, elle l'adore. Ah, si elle était libre! Elle ne veut pas que Pierre lui parle de cela. N'est-elle pas beaucoup plus âgée que lui? Presque vieille déjà, quand il est, lui, en pleine vitalité. Guerre de mots, dans lesquels il y a d'avance une vaincue. Pierre quitte le service avec d'excellentes notes. On le regrette au régiment. Quelques-uns ricanent bien derrière le dos de l'amant de la vieille, mais c'est tout. Et les voilà à Paris. Maintenant Pierre est armé pour la lutte. C'est un gars actif, vigoureux, décidé à tout pour parvenir. Les débuts sont durs. Les journalistes et les romanciers serrent les coudes, et les nouveaux venus ont tort. Mais elle est là, qui l'encourage, qui, avec un flair merveilleux, lui indique les portes où il faut frapper. Le voilà chroniqueur d'un journal secondaire, mais qui fait ses frais. S'il pouvait l'acheter. Bon, avec 20 000 francs, la chose est faisable. Mais 20 000 francs, est-ce qu'elle ne les a pas? Il lui rendra cela plus tard, quand il aura fait fortune avec sa plume. Il se laisse fléchir. Le voilà rédacteur en chef. Une campagne heureuse met le journal en vedette. Il publie là son premier roman qui est remarqué. On lui en commande un ailleurs, dans les prix doux, il est vrai. Mais c'est le pied à l'étrier. Seulement il ne s'occupe plus guère de son journal qui lui paraît indigne de lui et qui sombre, laissant derrière lui quelques créanciers qu'elle désintéresse. Il a 28 ans, elle en a 40. Mais dans ce milieu parisien, elle a gagné en beauté. On la regarde aux premières. On dit la belle Madame Jeannet. Du mensonge à la vérité, il n'y a qu'un obstacle, le mari. On apprend sa mort. Pierre impose sa volonté à la pauvre femme qui le trouve magnanime. Le mariage a lieu. Les bonnes actions étant toujours récompensées, le succès venait à Pierre Jeannet avec une rapidité foudroyante. Il avait conquis son public. Ses romans n'étaient pas d'une originalité réelle, mais on y trouvait une étrange préoccupation de l'indéchiffrable. Au début, il se plaisait à poser un problème insoluble en apparence, puis, lentement, avec une extrême dextérité de main, il écartait un à un tous les obstacles. Le lecteur suivait ce jeu avec l'attention qu'il met à une partie d'échecs. C'était de l'Edgar Poe écrit par un faiseur, mais cela plaisait. Une seule objection, on voyait la mécanique, mais on cherchait en vain le cœur. Quoi qu'il en fût, il devenait riche et s'était lancé dans le haut de mi-monde, dans la cohue des premières, des courses, des cercles. Il taillait galamment et était à la mode. Que devenait sa femme? Comme disait Sieyès, elle vivait, mais elle vieillissait. Elle atteignait, elle allait dépasser la cinquantaine. Les premières infirmités venaient, car elle s'était dépensée trop vite en cette passion dans laquelle elle avait tout donné. Elle devenait bouffie, plissée, laide. De plus, elle était lasse. Elle voulait le foyer calme des quinquagénaires, tandis qu'il se lançait vaillamment dans les excursions fantaisistes de la maturité masculine. Elle souffrait, tout en jouissant encore de ses succès. Il était froid, restait poli. Au-dedans, il s'exaspérait et haïssait. Il cachait cette femme comme son vice. S'il eût été libre, quel mariage il aurait pu faire? Ce boulet l'entraînait au fond d'un abîme de regrets furieux. Voici qu'un certain jour, en un procès de cour d'assises, le hasard le place auprès d'une femme adorable, une étrangère. Il cause, il plaît. La femme est séduisante, comme savent l'être les exotiques, spirituelle et provocante. Il croit voir bon marché de ce qu'il suppose être une demi-vertu. Point. La dame, avec ses allures un peu excentriques, appartient au vrai monde. Elle est veuve et n'entend point escompter un remariage. Pierre lui plaît, elle ne s'en cache pas, mais il est marié. Circonstance décisive et regrettable. Il sera reçu comme commensal, comme ami, comme confident. Il y aura échange de causeries intimes, baisers aux doigts et frôlements de cheveux, rien de plus. Pierre devint amoureux fou. Amour qui se trouvait d'accord avec ses secrètes ambitions. Il était riche, mais la dame était millionnaire. Il avait un peu de renommée, elle avait le charme. À eux deux, c'eût été un paradis parisien. On eût joué à l'Arsène Houssaye et organisé des redoutes. Pierre se dit qu'à la réalisation de ce rêve, il n'y avait qu'un obstacle, la vieille qui s'acharnait à vivre. Il songea à la tuer. Résolution prise, il composa, pour son propre usage, un plan dans le genre de ceux que recherchaient si avidement ses lecteurs. Le but était celui-ci, se débarrasser de la créature abhorrée, non seulement en s'assurant l'impunité, mais encore en conquérant la sympathie de tous. Il travailla beaucoup. Sur ce plan-là, l'erreur serait impossible et il n'y aurait pas d'épreuve à revoir. Il fallait que le roman fût parfait du premier coup. Toutes les combinaisons essayées lui parurent imparfaites, jusqu'à ce que surgit dans son cerveau une idée qui le fit frissonner, celle du tout pour le tout. Il fallait que l'assassin se trouvât dans une situation telle que jamais le soupçon ne pût l'atteindre. Pour cela, le moyen était périlleux, mais sûr, et il se résumait en ce thème fort curieux, deux assassinés dont l'un serait l'assassin de l'autre. L'un des assassinés serait sa femme. Lui, l'assassin, le pseudo-assassiné, survivrait ou ne survivrait pas. Là était l'effroyable risque à courir. S'il mourait, tant pis. Il ne le saurait pas et ne le regretterait pas. S'il survivait, il était heureux. L'idée trouvée, il fallait soigner le détail. Pierre, très nourri de cette littérature énigmatique, commença par étudier le mode d'assassinat sur sa femme. Le hasard le servit à souhait. Il trouva un marteau oublié par un maçon, le mit de côté et attendit. Mais il fallait simuler sur lui-même un assassinat. Ici, l'usage du marteau devenait impossible. S'assommer soi-même est impraticable. Le couteau était dangereux dans ce sens qu'à moins de se faire une égratignure insignifiante, il était à craindre que l'arme, après blessure faite, ne restât dans sa main, ce qui détruisait tout le plan. Le pistolet valait mieux. Seulement, il était horriblement dangereux. Sous prétexte de péripéties romanesques, Pierre consulta un médecin et se fit expliquer exactement la structure du crâne. N'est-il pas arrivé bien souvent qu'un malheureux, voulant se suicider, s'est manqué en se tirant le coup de feu, soit dans la bouche, soit au cœur, soit à la tempe? À la bouche, on était défiguré. Au cœur, le coup à bout portant pouvait s'amortir sur les vêtements. Le mieux était de compter sur la solidité du crâne et sur l'obliquité de la direction du canon. Et puis, répétons-le, Pierre était décidé à risquer le tout pour le tout, seul moyen de trouver certainement l'impunité. Il fallait maintenant fabriquer de toutes pièces l'assassin qui restait introuvable. Ici, Pierre renouvela un stratagème emprunté au fameux empoisonneur Castin. Il acheta d'un revendeur une houppelande, un vieux chapeau, des moustaches postiches, et pendant quelques soirées, ainsi accoutré, il rôda autour de sa propre demeure, ayant soin de se faire remarquer. Toujours sous le même déguisement, il alla chez un armurier acheter un revolver. Tout étant ainsi préparé, et le jour étant fixé pour la mise à exécution de ce plan aussi ingénieux que criminel, il alla, quelques heures avant l'affaire, jeter dans la Seine la houppelande qui lui avait servi à jouer le rôle et l'acheteur. De là, il se rendit chez l'étrangère, causa de la façon la plus charmante et revint chez lui. Il lui parut utile de donner quelque aliment en recherche de la police. Et avant de rentrer chez lui, il laissa tomber sur une place une enveloppe contenant quelques modestes valeurs. Ce serait là une piste qu'on suivrait avec acharnement. Quelques érosions dans la serrure, détails signalés dans le livre récent d'un policier, établir l'usage de fausses clés pour l'ouverture de la porte de la rue. Il monta chez lui, doucement, entra dans la chambre de sa femme qui dormait, brandit le marteau, du geste d'un forgeron qui frappe l'enclume, et d'un seul coup, il creva le crâne. La mort fut instantanée. Le plus difficile restait à faire. Il songea d'abord à indiquer la direction prise par l'assassin. Une fois le crime commis, et ouvrant la fenêtre, il lança le marteau dans la rue à toute volée. Lancé de sa main droite, le marteau tomba dans la direction remontant de la rue, ce qui indiquait une fuite vers Montmartre. Ensuite, il referma sa fenêtre, prit le revolver acheté par l'homme à la houppelande, se l'appliqua de biais à la racine du nez, à la jonction de l'arcade sourcilière, fit feu et tomba comme une masse. Ainsi qu'il l'avait prévu, l'arme qu'il avait eu soin de ne pas serrer tomba sur le parquet, ce qui écartait toute idée d'acte personnel. C'était le tout pour le tout. Il avait réussi. Il n'était pas mort. Et il était bœuf. Ainsi, c'est qu'un guersin, c'est Orlia qui a assassiné sa femme. Les trois hommes étaient très pâles. Au contraire, Maurice avait le sang aux pommettes. « L'ai-je nommé ? » reprit-il. « Laissez-moi finir. » Comme l'avait prévu celui que j'appellerai encore Pierre Genet, la justice fit absolument fausse route. Son horrible blessure, la lenteur de son rétablissement, la douleur silencieuse qu'il montra de l'épouvantable mort de sa compagne, tout contribua à lui donner excellente figure aux yeux du public. Où il fut vraiment beau, ce fut à son premier interrogatoire. Il y avait grand danger que, dans le retour de la pensée, une imprudence lui échappa. Il en dit une seule qu'on ne comprit pas. Comme le médecin, par pitié, insinuait que sa femme n'était pas morte, il laissa échapper une affirmation violente. Ce fut tout. Il se tut, réfléchit toute la nuit, et le lendemain exposa nettement, trop nettement, la version qu'il avait longuement étudiée. Elle fut la base de toute l'instruction. On sait la suite, deux arrestations, un procès. Lors de l'affaire Bidard, quelqu'un alla le trouver et lui dit « L'assassin a commis trois imprudences. La première, c'est d'avoir jeté dans la Seine, avant le crime, les vêtements qu'on a retrouvés le même soir. La seconde, c'est d'avoir perdu les obligations dans une direction et le marteau dans une autre. La troisième, c'est de s'être frappé à la tête et d'avoir risqué pire que la mort, la folie. » Pierre comprit et s'entremit pour sauver Bidard. Cependant, sauf cet incident, tout allait pour le mieux pour l'heureux assassin, et il fut devenu le très riche et très heureux époux de la comtesse étrangère, si l'ébranlement communiqué au cerveau n'avait déterminé en lui un commencement de cécité et des prodromes d'aliénation mentale. Il a combattu jusqu'à la dernière extrémité, mais la comtesse a deviné son état et a quitté Paris. Ainsi, Pierre, c'est-à-dire Orliac, savait que vous le soupçonniez. Je l'ai mis, semaine par semaine, au courant de mes découvertes. Vous l'avez tué ? Non, je l'ai puni. À cette heure, Orliac doit être foyé. Je lui ai lu ce scénario il y a 8 jours, et je l'avertis que je le déposerai ce soir entre les mains d'un journaliste ou d'un magistrat. À ce moment, un rédacteur ouvrit vivement la porte et, effaré, s'écria « Orliac vient dans un accès de fièvre chaude de se jeter par la fenêtre. » Les hommes se turent en se regardant. « Savez-vous, dit Maurice, ce qui lui a déplu dans le scénario que je lui ai soumis ?»« C'est que je lui ai prouvé qu'il avait plagié Castin. » »« Avec tout cela, s'écria Guersin, me voilà sans roman. Je vais être obligé de prendre une machine de X. Il faut avouer que cet Orliac était un fameux gredin. » Il faut avouer que cet Orliac était un fameux gredin. Ainsi s'achève, le tout pour le tout, une enquête de Maurice Parent par Jules Lhermina.